tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Bonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et à 23h. Cette semaine, on rediffuse « Montrez-moi une scène de crime », une série de Michel Pomarède, réalisée par François Test. Au départ de cette série, il y a des images échappées de polars et de films noirs et que l'on veut mettre à l'épreuve de la réalité. Et il y a une interrogation. Comment côtoyer, au quotidien, le crime, la mort et la violence sans que cela ne vous ronge petit à petit? Alors il faut écouter ces hommes et ces femmes de l'identité judiciaire, policiers et scientifiques et oiseaux de nuit qui remettent de l'ordre dans le désordre pour faire parler les traces. Alors pour commencer, les personnages. Des collègues de nuit qui sont aussi des amis, un policier qui cuisine des petits plats, une brigade qui se tient chaud, des nuiteux prêts à partir et un petit bleu. Ensuite, le décor. Des escaliers, des oignons qui mijotent, la photo de Bertillon, une voiture avec gyrophare, un pied au plancher, des bureaux, des ordinateurs, Paris la nuit, le bureau 17 et son poste de télé et un cambriolage dans les beaux quartiers. Aujourd'hui, 4e épisode, théoriquement, la nuit, le crime est de sortie. Thierry, les nuits précédentes ou les jours précédents étaient calmes? Plutôt, oui. À part, on va dire, l'actualité liée au terrorisme, des arrestations, oui. Mineurs, femmes. Le service s'est mobilisé sur la recherche d'empreintes pour remonter très vite, visiblement, oui. Aux propriétaires. Donc là, on est devant le numéro 12, le bureau numéro 12, et on va regarder le cahier de la nuit. Alors cette nuit, nous avons eu donc une enquête après décès. C'est donc pas un nouveau-né, parce qu'il est né en 2015, mais un enfant donc retrouvé mort à son domicile. Mais ça, est-ce que c'est classifié comme une scène de crime? Dès que c'est suspect, dès que c'est un article 74, eh bien, on en a parlé déjà de l'article 74, recherche des causes de la mort. Donc voilà, c'est-à-dire que donc il y a un obstacle de la part du médecin, souvent. Et donc, du médecin, les témoignages des parents, peut-être qui n'ont pas été cohérents. Enfin, il y a un doute. Donc, s'il y a un doute, il se peut que ce soit une mort naturelle, qu'on conclue une mort naturelle, mais en tout cas, on aura figé les lieux. Il est important de figer les lieux dès le départ, sinon, ça ne sert plus à rien. Identité judiciaire. Nuit calme pour Max et les hiboux. Michel Pomarède, François Test. Prénom? Alors, ben, moi c'est Max. Grade? Je suis agent spécialisé principal de police technique scientifique. Ancienneté dans le service? Depuis 1997. 20 ans. Signe distinctif? Je suis le custo du groupe. Signe distinctif? Le custo du groupe. Alors, le groupe c'est quoi, Max? Parce que là, on est vendredi 20h. On est dans la cour centrale, juste à l'entrée de l'identité judiciaire. C'est hyper calme. Pour l'instant, tout le monde est quasiment parti. Le groupe, c'est quoi? C'est qui? Alors nous, c'est le GITS, donc groupe d'investigation technique et scientifique. On prend 20 heures. On est 7 quand on est au complet. Et puis, on attaque notre nuit quand tout le monde part, quoi. On est en cycle, donc on fait 3 nuits, suivies de 3 nuits de repos. Vous attendez encore des membres de l'équipe? On attend encore Nicolas, là. Apparemment, il a un souci de transport sur la ligne D, il y aurait un incendie. Il ne va pas tarder. Et on entendait aussi colis suspect? Un colis suspect, ce qui a retardé un peu un autre membre de l'équipe, mais il vient d'arriver là. Il y a une spécificité au groupe de nuit, c'est que vous êtes polyvalent. On a vu vos collègues qui travaillent le jour, il y en a qui font de la photo et du plan, et d'autres qui font du relevé d'empreintes. Vous faites tout? Nous, on fait absolument tout. C'est-à-dire que chaque membre du groupe peut faire... au choix, donc le plan, les photos, les recherches de traces, les prélèvements d'ADN, le crimescope, parce qu'au jour, c'est encore une section à part qui fait ça. On peut faire le détecteur de métaux, tout, on fait tout, l'odorologie, voilà, on est formé à tout. Là, il est 8h, les membres de l'équipe arrivent et on est là pour 12h. On est là jusqu'à 8h demain matin. Là, c'est l'heure de manger, c'est notre priorité, hein, priorité absolue. Quand on a mangé, on peut sortir toute la nuit. Au menu ce soir? Alors ce soir, ça sera tagliatelle carbonara. À la maison, hein. Et puis, en dessert, on verra, on sait pas encore. Ah, dessert, c'est surprise. Parfois, on sort prendre une glace, une crêpe, quand on a le temps. Et quand vous sortez manger une crêpe, vous sortez avec la mallette pas loin Non, alors j'ai les deux téléphones sur moi, directement relié à l'état-major. Donc s'il y a une affaire qui tombe, il m'appelle. En général, on n'est pas loin, donc on revient dans les deux minutes, on est là. Hein. Prénom? Mon prénom Romain. Grade? ASPTS, donc agent spécialisé de police technique et scientifique. Fonction? Ouais. On peut dire fonction nuiteux finalement maintenant. Oui, maintenant, ouais. Ouais, ouais. Max, est-ce que vous vous souvenez de l'arrivée de Romain? Vous lui avez dit quoi? Déjà, le dernier arrivé, c'est le bleu. Je suis plus vraiment le dernier arrivé. Le bleu, on s'en est bien occupé. Hein. C'est vrai, ouais, c'est pas faux, ouais. Quelques blagues de potache. Est-ce qu'il y a un bizutage? Non. Ouais, non. Toutes les nuits, on fait le bizutage. Ouais, c'est des trucs gentils, franchement. Et si on rentrait? Commence à faire faim, là. Bertillon. Voilà, j'ai oublié. Dès qu'on rentre, normalement, on fait notre but de prière à la France. Ah oui. C'est notre maître à tous. Non, mais... Alphonse Bertillon. Blague à part, vous le regardez encore? Oui. Non, mais... Oui, non, mais... Ouais, Bertillon... Quand je suis arrivé il y a 20 ans, j'étais en formation à Lyon. Bon, Bertillon, il n'existe pas à Lyon. C'est un mythe. À Lyon, c'est Edmond Leca. À Lyon, c'est Leca. Mais bon... Du coup, nous, étant parisiens, on a oublié le car et on est passé à Bertillon. Il fait de très bonnes glaces. Non, je plaisante. L'histoire de Bertillon, mais aussi l'histoire de l'identité judiciaire, vous êtes dit, tiens, je rentre pas que dans un service, je rentre aussi ouais, dans... Oui, bien sûr, bah, je vais faire partie de l'histoire. Je rentre dans un truc qui a commencé il y a déjà un petit moment. Et puis, ouais, quand on voit Bertillon, tout ce qu'il a fait, l'anthropométrie, tout ça... Les premières signas avec les signes distinctifs, c'est super. Il est à la base d'un truc quand même. Lui et Locard à Lyon, mais se dire qu'on participe à ça, qu'on utilise les techniques que ce mec-là a développées il y a des décennies maintenant, et on les fait évoluer aujourd'hui. Ouais. Parce que votre patron, Xavier Espinasse, est le 16e successeur de Bertillon. Donc oui. C'est pas si loin en fait. Non, c'est pas si loin. Non. Donc lui, il est en statut. Votre patron, il a son bureau, mais. Eh ben, un jour, notre patron sera en statut. C'est ça, exactement. Et vous serez où dans la galerie? Nous, on fera notre petite prière tous les soirs en arrivant devant la statue de Monsieur Espinasse. Donc là, direction salle numéro combien? Donc là, on va. Moi, je vais au bureau 17 pour préparer à manger. J'ai plus les oignons là. Ça va pleurer. Donc la salle 17, on va voir la salle numéro 12 qui est le poste de commandement opérationnaire. Alors ici c'est le bureau 17. Bah, tout ça c'est pédophile. J'ai une séquestration, vol, escroquerie, un homicide qui date du 27 août, où on a fait une identification. Là, j'ai un double homicide, une tentative d'homicide, détention, consommation de produits stupéfiants, une tentative de vol à main armée et une tentative d'homicide. Donc il y a une veste police et le reste c'est quoi? Eh bien, il y a mes valises 3S, valise de prélèvement, appareil photo, pied, trépied, mes affaires pour prendre les côtes, mes petits paquets de gâteaux pour qu'on ait un petit creux dans la nuit, que ça arrive, des fois on arrive le soir, direct on part sur une affaire, on sait jamais quand on rentre. Hein. Les affaires on les enchaîne et puis on se retrouve ici, on revient à 5 heures du matin, on n'a pas mangé. Il fait bien la cuisine, Max ? Ça arrive, ouais, ouais, ouais, ouais. Bon, les gars, on va boire un coup quand même. T'as fait une couleur, Cécile ? De crime, ça devait être un viol. Ouais, c'était un viol, je crois, je sais plus, en 94. Et bon, la victime était plus sur place, donc il n'y avait rien d'impressionnant, mais il fallait quand même essayer de rechercher un préservatif usagé ou essayer de trouver des liquides biologiques. Bon, c'était dans la rue, donc ça rend la tâche hyper compliquée. Puis il faisait pas spécialement beau, je crois que c'était au mois de mars, donc pas terrible. Mais ouais, ça fait toujours quelque chose. Dès le début, on se met dans le bain, on essaie de faire bien notre boulot. De trouver des traces, des indices qui peuvent aider. Alors au départ, on tatote un peu parce qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, où démarrer la recherche, jusqu'à où l'étendre. On ne sait pas trop ce qu'on doit chercher quand on débarque. Moi, c'était vraiment ma première scène. Donc, La première scène de crime avec un cadavre. C'était un homicide. C'était à Saint-Denis, je crois. Et c'était un crime crapuleux, un règlement de compte pour trafic de drogue. Rien de super impressionnant, au final, c'était un mec qui a été poignardé à mort. Et bah, quand on arrive dans la salle, ouais, il y a un cadavre qui est au sol, qui est inanimé, qui ne bouge plus. Mais c'était pas impressionnant parce que, avec mon passage au FAED, j'avais l'habitude avant d'aller à l'institut médico-légal pour aller prendre des empreintes sur les cadavres. Et des cadavres souvent beaucoup, beaucoup plus abîmés, en décomposition. Donc moi, pour le coup, quand je suis arrivé dessus... J'ai pas été choqué, quoi. Peut-être quelqu'un qui aurait été vraiment nouveau dans le milieu, ça lui aurait fait quelque chose. Par contre, la seule différence, c'est qu'on voit l'environnement dans lequel la personne est morte. C'est une médico-légale, on l'amène sur un brancard. Ici, on voit de quoi il est mort, on voit le sang qu'il y a autour. On peut essayer d'imaginer s'il a souffert beaucoup ou pas. Donc, c'est une autre manière de bosser. C'est vrai qu'on a le corps qui est au milieu, qui ne bouge plus, qu'on considère même plus, finalement, au bout d'un moment, parce qu'on fait notre boulot dessus. Et après, on attend que les pompes funèbres arrivent et qu'ils l'embarquent, en fait. Au final, nous, à côté, on fait nos photos, on passe notre poudre, on fait nos recherches ADN. On discute entre nous, on se dit, tiens, t'as trouvé quoi? Qu'est-ce que tu ferais sur ça, machin? Et le corps, il est encore là au milieu, il bouge plus, mais lui, il est bien mort, quoi. C'est le rituel du vendredi soir. On regarde tout ce que l'on t'a à la télé. Quand on peut. Ah, c'est vrai. On va s'interrompre donc. Obligé. J'éteins les téléphones. Koh Lanta, c'est notre. Ouais, obligé. Non, c'est sérieux. Prénom. Nicolas. Ancienneté dans le service. 11 ans. Dans la police, 17. Fonction ? Gardien de la paix. Signe distinctif ? J'aime bien le bricolage. Puis voilà, un peu de sport, comme tout le monde, quoi. Max, est-ce que vous avez déjà eu peur la nuit ? Non. Quand on fait une affaire, toujours dans des cités, là, au pied d'un immeuble, on se prend des projectiles sur la tronche un peu, mais ça va. Faut expliquer, Max, que quel est votre rayon d'action la nuit? Alors la nuit, contrairement aux gens du jour au CRJ, on peut intervenir dans tout ce qui est Paris 92, 93 et 94. Donc un rayon d'action assez large, hein, qui explique aussi pourquoi on a plus d'affaires la nuit. Il y a combien de personnes dans tout le service en journée? 180, hein. Ouais, 180, 180, je pense. Et la nuit? La nuit, on est 6, on est 7. Donc la maison est à vous ? La maison est à nous, mais on gère. Bah, d'ailleurs, il y a le cycle dernier, bon, j'étais en vacances, mais l'équipe, donc c'est Nicolas qui a fait un kit entomologie sur une découverte de un cadavre. Putréfié. Dans la forêt de. Dans le 92, dans le Verville d'Avray, là-bas. C'est un promeneur qui vers 18h30-19h, en cueillant des mûres dans la forêt, a senti une odeur un peu suspecte et a découvert un corps en état de décomposition. Et on a intervenu dans la forêt. Comme il n'y avait pas d'éclairage, il a fallu prendre le groupe électrogène avec un ballon pour nous éclairer, parce qu'on ne voyait rien. Et puis bon, bah, ça nous arrive quelquefois, hein, traiter des cadavres en état de décomposition avancée. Et là, on fait des kits, ce qui s'appelle les kits entomologie, pour prélever les insectes et dater, ce qui permet de dater à peu près la mort. Quoi. Non, malheureusement, on n'a pas les suites. On traite l'affaire, mais on n'a pas les suites après. Alors justement, cet aspect du travail, vous traitez l'affaire, vous n'avez pas les suites. Jamais vous n'appelez le service enquêteur pour dire là, c'est compliqué. Quand on travaille de la nuit, il n'y a personne. Donc il faudrait qu'on appelle la journée, on n'y pense pas trop. Parce que le dossier est traité par un équipage de nuit des services de PJ. Et l'équipage de nuit, lui, redonne le dossier à une équipe de jour qui, elle, va traiter l'affaire. Donc c'est difficile pour nous d'avoir les coordonnées exactes et de savoir la suite, quoi. Et c'est pas frustrant de pas avoir le fin mot de l'histoire Parfois, si. Ouais. Si. Mais bon, c'est comme ça. Bon, ici, on met un petit peu les infos, là. Alors, des fois, on apprend les affaires sur lesquelles on va être appelé dans la nuit, on les voit aux infos avant d'y aller. Hein. On dira, tiens, il y a un incendie, là, on va t'appeler. Bah, en fait, non, c'est pas tout ce qui compte. Vous aussi, c'est... Bon, j'ai une question, je vous la pose, les experts... À la télé, vous regardez ou pas? Ça arrive. C'est bien fait ou pas? C'est comme dans tout, il y a des choses bien faites et des choses un peu irréelles. Quoi? Bah, le fait, par exemple, moi, je me souviens d'un épisode où ils trouvent une trace trace digitale sur un support. Dans la seconde, ils ont le résultat, quoi. Nous, au plus court des cas, il faut au moins 2 heures. Mais bon, après, c'est sûr que sur un épisode de 40 minutes, s'il faut attendre 2 heures pour avoir le résultat. Hein. Alors là, notre rituel est vendredi. Koh-Lanta. Pour l'instant, c'est calme, passons les doigts. On va regarder tranquillement en Koh-Lanta en mangeant. Et après, on est chaud là. Chaud pour sortir toute la nuit. Romain, le poster Motorhead, c'est vous ou pas dans la pièce? Du tout. Ça aurait pu. C'est un autre collègue qui a un petit moment. Non, ça aurait pu, ouais. Parce qu'on voit, on a des goûts musicaux en commun, mais c'est pas moi. Mais la déco me plaît bien. Christophe, grade, brigadier chef, fonction, et je suis chef de groupe à la nuit. Ancienneté, j'ai 20 ans d'IG. Signe distinctif, je suis colombophile. Et on fait des courses au printemps et l'été, des courses de pigeons. Donc. Il est quelle heure là, Max? Ma montre, ça fait 5 ans qu'elle est bloquée sur 20h, donc je sais pas. Il est 22h. Pourquoi vous travaillez, vous, à l'IJ? Pourquoi ce choix? Bah, là-bas, je suis photographe. Et j'aime ça. On fait jamais la même chose, en fait. On va dans des endroits où le simple quidam ne va pas s'y rendre. Et être policier, c'est pas vouloir ou rêver d'être enquêteur? Parce que là, en fait, dans votre service, l'IJ est saisie. Bon, donc, elle attend. Vous êtes en attente. Mais d'une manière générale, à la PJ, c'est comme ça. Tous nos collègues de PJ attendent un coup de fil de l'état-major qui va les saisir d'une affaire. Et c'est notre façon de fonctionner. En revanche, nos collègues, effectivement, de la tenue, eux sillonnent les rues de Paris, etc. Et eux fonctionnent tout à fait différemment. Mais nous, À la PJ, on fonctionne comme ça. On a des téléphones, effectivement, et l'état-major nous saisit. Mais tout est utile. Il n'y a pas de frustration à notre niveau, en tout cas. Et on a toujours la possibilité de changer de service. Comment est-ce que les gens du jour voient les nuiteux? Je pense qu'on vous voit, qu'on vous appelle les nuiteux, mais comment est-ce qu'on vous voit? Les hiboux. C'est vrai que moi, c'est un peu différent. Parce que tout en prenant le service à 20h, j'arrive très régulièrement... C'est omniprésent, le service. De bonne heure. J'arrive vers 16h, 17h au service pour faire un peu la liaison avec le jour, pour rester en contact avec mes collègues de la journée. Donc, mais sinon, il n'y a presque aucun contact entre les gens du jour et la nuit. Hein. On ne se voit pas. On fait notre boulot. Donc et on ne traite pas les mêmes affaires, parce que les affaires de nuit sont différentes des affaires de journée. Hein. Nos collègues de la journée vont faire davantage de vols fausse qualité, de vols effraction, etc. En revanche, nous, la nuit, notre quotidien, c'est les tentatives d'HV, les meurtres, etc. HV, c'est homicide volontaire. Homicide volontaire, tout à fait. Ouais. Donc les affaires sont plus graves. Christophe Rambobineau, pourquoi est-ce que vous êtes devenu policier ? Mon père est policier, mon frère est policier, et j'ai passé ce concours il y a 20 ans parce que j'avais... C'est un milieu qui ne m'était pas étranger. Mon père, j'ai souvenir de discussions entre collègues à la maison, entre mon père et ses collègues. Et, c'était évident, quoi. C'est quelque chose qui me fascinait. Votre frère, il fait quoi? Lui, il est à Coquel, au centre de rétention de Coquel, à Calais. Pour lui, c'est un univers totalement différent. Et est-ce que, je sais pas, dans votre famille ou dans la vôtre, Max, il y avait un rapport à la loi? Moi, je me suis retrouvé ici un peu par hasard. Hein. Au sortir du bac, j'ai passé plusieurs concours. J'en ai eu plusieurs. Celui-là m'a plu. Je suis arrivé dans la police scientifique. Ça m'a plu. Et 20 ans après, ça me plaît toujours autant. Donc, mais je n'ai pas choisi ce métier pour une sorte de loi. Max, c'est un limier, un chercheur de traces. Il n'y a pas une affaire identique. Donc même si pour faire une recherche de traces, on va prendre la plupart du temps le même pot de poudre, le même pinceau ou le même couvillon pour faire un prélèvement ADN, ça se fait jamais dans les mêmes conditions. C'est toujours des lieux différents, des victimes différentes. Et derrière tout ça, il ne faut pas oublier qu'il y a une victime. Même si ça peut paraître répétitif, etc., derrière, il y a une victime et ces tâches-là répétitives, elles ont un sens. Hein, et donc ça nous motive. Alors, la brigade criminelle par rapport à votre service, elle est où? On peut la voir c'est dans l'autre cour là-bas. Vous pouvez passer. Hein. Là, il y a aussi des policiers qui veillent. Ah là, ils font des rondes toute la nuit. Ils vérifient dans toutes les cellules si les détenus ne font pas des conneries, s'ils dorment bien, s'il n'y a pas de bagarre. Là, c'est bien une entrée au palais de justice. On arrive du côté 36, 36 Quai des Orfèvres. Donc voilà, la crime, c'est là, juste au bâtiment A. Là. Et là, le service allumé. Tout ça, ça fait partie de la crime. Il y a des gens qui bossent là. Ouais. Jour et nuit. Thank you. là, il y a la sortie, 36 des Orfèvres. Pour la mettre en service. Ça veut dire quoi ? La mettre en service, c'est procéder au chargement de l'arme dans une zone dite sécurisée. C'est-à-dire que je vais faire une manipulation dans un tube qui serait susceptible d'absorber un coup de feu, un départ de coup de feu accidentel en fait. Expliquez-moi l'importance de vous exercer au tir alors que vous dites, selon votre expression, dans votre service, que vous arrivez alors que la guerre est terminée. Ah mais c'est pouvoir faire face à une situation imprévue en toute sécurité. On doit procéder à 3 tirs obligatoires par an et on doit toujours être en capacité de procéder aux bonnes manipulations si nécessaire. Votre arme, c'est quoi ? C'est un 6-Sauer. 9 mm. La dernière fois que vous avez dégainé votre arme, vous en rappelez ? J'ai jamais eu à utiliser mon arme en service. Donc là, on se trouve dans la cave et on a ce qu'on appelle un tube. Je vais engager mon chargeur à l'intérieur de mon arme. Je la glisse dans le tube. Et je la mets en service. Mon arme est approvisionnée et peut faire feu. Je la glisse dans mon étui. Combien de balles ? 15. Un chargeur approvisionné à 15. On a 2 chargeurs. Et là, ce soir, il est 22h, vous allez sur un stand de tir qui est ouvert toute la nuit ? Oui, c'est un stand de tir qui est réservé aux nuiteux, qui ouvre à partir de 22h30, et qui nous accueille pour cet exercice de tir, en fait. Qui, dans les 5 de nuit, a une arme et qui n'en a pas ? Alors, le personnel dit actif, Nicolas et moi-même sommes actifs. Et en revanche, nos collègues scientifiques ne sont pas dotés d'armes. Donc nous sommes les seuls à s'exercer au tir. Donc là, la durée de votre exercice, c'est quoi ? Bon, je pense que ça va durer une demi-heure, trois quarts d'heure. Et vous partez avec un des téléphones, au cas où ? Oui, toujours. On a 2 téléphones, et on... Donc Max en a un, et moi j'ai le deuxième. Max, est-ce qu'il y a des heures, des jours, des semaines ou des arrondissements pour le crime à Paris ? Alors effectivement, il y a un temps pour tout. Par exemple, le week-end, les gens sortent, ils sont en repos, ils vont s'amuser, donc ils sont dans les bars, ils vont boire un peu, dans un restaurant. Donc les gens qui sont au restaurant, pour l'instant là, ils se font cambrioler. Les gens qui sortent un peu entre amis pour aller picoler... Ils se retrouvent un peu en état d'ébriété, ils font donc c'est plus propice à faire des conneries, hein, tentative d'homicide, voilà. Après on a quoi les périodes de vacances par contre c'est en général c'est assez calme puisque les gens, enfin tous les bandits hein, entre guillemets, les voleurs, ils ont avec tout ce qu'ils ont récolté toute l'année partent en Espagne s'amuser. Et quand ils reviennent en septembre avec plus un sou, bon, en général, ils reviennent un poil avant, juste avant que les gens rentrent de vacances. Hein, donc là, on a tout ce qui est vol, effraction, cambriolage, Les gens s'en aperçoivent quand ils rentrent de vacances. Quand il fait chaud, hein, donc il fait 35 degrés dehors, là, donc bah, les femmes s'habillent un peu plus légèrement. Bon, période de viol. Qu'est-ce qu'on a d'autre, enfin, quand il pleut et qu'il y a un match de Ligue 1. Alors, quand il pleut, en général, on n'a presque pas d'affaires. Bizarrement. Enfin, bah non, c'est même pas bizarre, parce que les gens restent chez eux. Hein, donc, bah, s'ils sont chez eux, ils ne sont pas cambriolés. S'ils sont chez eux, ils font pas de conneries. Donc, quand il pleut, en général, on n'a pas trop d'affaires. L'approche des fêtes. Ah, alors l'approche des fêtes, ah oui, alors l'approche des fêtes... bon, bah, les magasins s'approvisionnent en grande quantité, hein, en parfums, montres et autres objets de valeur. Donc là, il se passe quoi? Bah, il se passe que les camions se font braquer, les magasins se font cambrioler, parce que bah, faut faire des cadeaux à tout le monde à Noël. Hein. Plus facile de voler que d'acheter. Hein. Là, vous avez toujours vos téléphones qui vibrent pas dans votre poche. Malheureusement. Si ça vibre, vos mallettes sont déjà dans la voiture. Mes mallettes sont prêtes, hein, sont équipées. Donc, à partir du moment où on reçoit l'appel, on note quand même l'affaire sur le cahier pour que, si jamais toutes les équipes sont dehors, si quelqu'un arrive ici, si le chef de service passe par exemple, qu'il sache où on est parti. Hein. Donc, on laisse toujours une trace écrite. Et puis, on charge la voiture, on s'en va. Donc, dans les 5 minutes, on est parti. Ouais, j'aimerais bien y aller. Ça va, Périne? C'est le truc de ton plan, ça? Bah oui. Bah ouais. Je viens à une nouvelle un peu concernant l'affaire, là, le vol violence. Ah, bah il me faudrait le nom de la victime, s'il te plaît. J'étais pas. Ouais. Ah ouais, je m'en rappelle pas que j'avais fait. Marianne. On a un mot. Numéro de procédure. En plus, j'avais. D'accord. Donc on a bien trois individus cagoulés. Non, casqués, gantés. Deux plus un qui faisait le guet dehors à côté du distributeur. D'accord. On a quoi comme préjudice? 15 000 euros. D'accord. La victime est blessée ou pas? On s'est pris plusieurs coups de taser, d'accord. Ok, bah écoute. Et le groupe, je suppose que le groupe qui reprend l'affaire, c'est... Ouais, d'accord. Ok, bah super, j'écoute, j'ai toutes les infos. Parfait. Je te remercie. A tout à l'heure, bisous Périne. Karen, c'est qui Max? Périne, c'est une collègue du premier DPJ. Une scène de crime, on a compris ce que c'était. C'est vous qui avez la priorité sur une scène de crime, comment ça se passe? Alors, à partir du moment où on est appelé sur une affaire et qu'on investit les lieux, ça devient notre scène de crime à nous. C'est-à-dire que s'il y a des gens, donc sur le procureur ou le service enquêteur, qui sont en train de se balader sur la scène de crime, de la polluer, de toucher de tout retourner pour faire des perquises, nous, bah, on les dégage. Hein, parce que nous, on est là pour figer les lieux, pour prendre des photos, pour dresser un plan. Et si tout le monde commence à toucher à tout, ou à me laisser des cheveux, parce qu'évidemment, ces gens-là s'équipent jamais. Hein. Nous, on a quand même équipé de combinaisons, de masques, de protection. Donc, évidemment, c'est jamais agréable d'arriver là et puis de trouver des gens un peu partout en train de fouiner. Donc, nous, on arrive, c'est notre scène de crime. Voilà, donc, tous ceux qui n'ont rien à y faire, eh bien, on leur prie gentiment de dégager. Il n'y a pas de question de grade, hein, c'est... la scène nous appartient. Voilà. Nicolas Romain, équipe de nuit, hier, minuit 20, le téléphone sonne. Max décroche, qu'est-ce qu'on lui dit? En fait, qu'il y a eu une découverte de cadavre dans Paris 18e, je ne sais plus c'est quoi le nom de la rue, et que c'était un peu suspect, donc ils nous ont demandé de venir voir de quoi il en retournait. Quoi. Les voisins avaient signé quelque chose? Ouais, bah, dû à très forte odeur, surtout. Ça les a alertés, donc ouais, ils ont appelé la police. Et puis les pompiers sont arrivés aussi, je crois que c'est ça. Hein. Ils ont défoncé la porte et c'est là qu'ils ont trouvé... Ils ont eu l'odeur. Ils ont pensé qu'il n'y avait plus rien à faire, donc... Oui, je pense, ouais. Ils ont fait demi-tour et puis ils nous ont appelés. Description, si c'est possible, de quelques photos. Ouais, c'est assez petit hein, comme appartement, c'était un studio. Et donc il y avait une pièce principale avec le lit, la personne était allongée, en état de décomposition avancée, avec une grosse mare de sang à côté, et une sorte de tissu sur la tête. Donc bon, c'est ce qui paraissait assez suspect auprès des enquêteurs. Deux mots quand même sur cette photo, sur ce corps retrouvé en état de décomposition. Il a gonflé. Ouais, noirci, gonflé. Beaucoup d'insectes. Là, il était dans une phase où il y avait encore beaucoup d'insectes présents, vivants surtout. Beaucoup d'insectes vivants, donc ça grouillait de partout. Donc, vous, Romain, votre rôle ce soir? En fait, moi, mon rôle, c'était de prélever des insectes, d'abord vivants, donc, que ce soit des larves, des pupes, des œufs, et ensuite des insectes morts, donc souvent des mouches adultes. Et en fonction de ça, en fait, on envoie ça à la gendarmerie et ils peuvent assez précisément dater l'apparition des insectes et du coup la mort en elle-même de la personne, quoi. Savoir à un ou deux jours près quand est-ce qu'elle est morte. Et entre la formation que vous aviez pu faire sur un mannequin avec des vrais asticots et ça, ça a été quoi le ressenti ? Ah bah là, c'est très différent parce que là, il y a l'odeur, il y a la texture aussi de la peau qui se décolle quand on essaie d'attraper des vers, les cheveux qui tombent, le visage qui vient, enfin c'est très différent d'un mannequin qui est propre, qui n'a pas d'odeur, on sait qu'il ne va rien se passer. L'odeur, est-ce que vous pourriez la décrire? C'est un mélange de quoi? L'odeur de mort, j'aurais... De tous les morts ont à peu près la même odeur. C'est une... C'est de viande périmée en décomposition, quoi. En fait, je pense qu'il faut la sentir une fois pour savoir vraiment qu'est-ce que sent la mort, quoi. C'est un mélange de plein de trucs. Ouais, de viande pourrie, de... C'est... Par contre, une fois qu'on l'a senti une fois, après... On la reconnaît, ouais. Max, vous avez fait quoi hier soir pendant que Nicolas et Romain s'affairaient? Moi, je faisais le plan des lieux, dans cette bonne odeur. Faut dire, on avait des masques qui nous protégeaient bien. On sentait quasiment pas cette affreuse odeur là. Et puis au bout de deux heures sur place, ça commence à serrer un peu de partout. On est obligé de desserrer. Et puis finalement, on sent l'odeur. Là. Et alors vous, l'odeur, vous l'avez ramenée aussi chez vous? Ah là là, oui, l'odeur. C'est lavage de tous les chaussures. Tout, hein. Dès qu'on rentre, on lave tout. Et puis plusieurs fois. Hein. Y compris nous. Vous êtes lavé le nez aussi? Ah, le nez, bah, dès qu'on est rentré au service, hein, après l'affaire. Du sang-fi. Sinon, il y a les molécules odorantes qui s'accrochent là. Et puis, on a l'impression encore d'être dans la pièce, même 4-5 heures après. Hein. Je suis rentré chez moi, j'ai pris 3 douches. Hein. Alors, cette odeur, on va la trimballer un peu partout hein, pendant 2-3 jours. Là. J'ai une chance sur deux de partir en fait. Et là, ça va être. Ah oui, soit tu pars, pas une chance sur deux. C'est l'heure du départ. On fait des affaires pour le conseil. Parce qu'on sait jamais. Je pense que le téléphone va sonner dans pas longtemps. Ah ouais. C'est celui-là qui va sonner. L'heure fatidique approche. Exactement, l'heure fatidique approche. Sophie, qui a eu des accrochages. Vous êtes chaud, vous sentiez ou pas? Ouais. Vous voulez quoi comme affaire? On va le prac. Merde. Ça là, ouais. Toi, tu veux quoi, Nico? Pour vous dormez, vous dormez où? Alors, quand il y a des affaires, évidemment, hein, on sort sur les affaires. Quand il n'y a pas d'affaires, on traite nos dossiers. Après, en commençant à 20h et en terminant à 8h, on ne peut pas passer 12 heures devant l'ordinateur en train de faire nos dossiers. c'est pas possible. Au bout d'un moment, vers 4-5 heures, on n'en peut plus, les yeux qui commencent à piquer là. Donc, parfois, si vraiment il n'y a aucune affaire, on se repose de 2 ou 3 heures en fin de nuit, sur le matin. Donc un peu partout, un peu. Il y en a qui ont des lits de camp. Chacun fait un peu comme il peut, mais c'est vrai que au bout de 6-7 heures devant l'ordi, on a les yeux qui fatiguent. Bon, je vous propose de faire un conseil. Nous, de toute façon, on vote contre le gros. Ouais. Bon, bah, gros, viens avec ton flambeau là. Ah, c'est elle qui va dégager. Sophie, je vais poursuivre le dépouillement, mais malheureusement pour vous, il ne changera pas l'issue du vote. Et voilà, on a perdu Sophie, quoi. Sophie. De toute façon, ils savent, état-major, ils attendent que Colanto soit fini et après ils nous appellent. Sophie. Ils savent maintenant qu'on leur répond pas quand c'est pas fini. Sophie. Prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Et cette décision est irrévocable, gros. Sophie, les aventuriers de la Tribu Rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. On n'est pas bien là ? Je tenais déjà à vous remercier. C'est moche. Allô ? Oui ? Un vol effraction. SDPJ 92. Neuilly. On a un préjudice total de... On sait pas. Bon, bah écoute, merci pour les infos, on se rend sur place. Salut. Max, qui est relais ? Eh ben, il est 1h25. Donc là, on vient de recevoir un appel de notre état-major qui nous avertit qu'il y a un vol effraction qui vient d'avoir lieu à Neuilly. Donc on va s'y rendre. Donc là on est saisi parce que c'est une personnalité. Hein. Ouais, bah oui. Donc comme c'est une affaire sensible, ça veut dire c'est urgent. Donc faut qu'on arrive vite sur les lieux. On voit déjà 30 minutes. Il te reste combien de points sur ton permis, Nicolas ? Ton permis, bon, c'est la moitié d'un, je crois. Prends un chargeur ou trois? Vous n'avez pas peur en voiture? Ah, ça va changer. Ça va changer. Bon, Nico, il faut 10 minutes, on se sur place. Donc, Max. Vol avec une fraction, c'est pas une scène de crime. Non, c'est pas une scène de crime, c'est pas un crime, c'est un délit. Donc là, la victime de ce vol a appelé. Donc en fait, elle repart chez elle et elle s'aperçoit qu'il y a eu un vol, c'est ça le scénario. Exactement, ou un voisin qui l'aura averti. En général, c'est ça. Les gens rentrent. Il est quelle heure? Une heure et demie, deux heures? Dans une soirée, ou d'un théâtre, ou du resto. Et d'habitude, si c'était pas une personnalité, vous y allez quand même ou pas? Ah oui, bien sûr. Ah oui. Nous, on travaille avec la PJ, donc on se déplace uniquement quand il y a certains critères sont là. Hein. C'est-à-dire si un coffre-fort a été ouvert ou si volé, s'il y a 50 000 euros de préjudice au moins. Et là, c'est le cas? Ben, on verra ça sur place, je suppose que oui. Max, la répartition des rôles entre vous et Nicolas, c'est quoi là? Ben Nicolas va faire les photos et puis moi je vais faire tout ce qui est prélèvement d'ADN et recherche de traces. Papillaires. Alors. Ouais. Troisième sortie. Vous arrivez à destination. Attends, j'ai pas mis l'adresse. Prenez la sortie D913 avenue de Bly, puis tournez à gauche. Tournez à gauche, rue Joseph et Maria Carvieux. En fait, nous on l'entend pas, mais dehors ils l'entendent. Après 400 mètres, dirigez-vous vers la droite. Ah oui, je suis à la nuit, je suis affecté, ça y est. Ah, c'est dit. En gros pneu, ouais, ça fait depuis le début du mois de septembre. Ah, d'accord. Voilà. Oh, bah, cool alors. Je t'explique, on va commencer par le point d'entrée. Donc, ça s'est passé entre 18h et 22h30. D'accord. Monsieur était là jusqu'à 18h, il est parti à 22h30 en retour. Il a constaté donc les fractions de la baie vitrée. Ils sont venus ici. Ils ont pris un téléphone portable, c'est ça? Ouais, un téléphone portable et une bague. Ici, un téléphone portable et une bague qui était posé sur la table. Ouais. Ouais. D'accord. Ensuite, ici, les deux ordinateurs portables. Il n'y avait rien de branché là sur ce câble? Il y avait quelque chose non, de branché? Non, il n'y avait rien. Ce qui est amusant, c'est qu'ils n'ont pas fait les tiroirs parce que sinon, ils auraient pris l'argent. Tu vois? Donc, ils n'ont pas ouvert les tiroirs? Ils n'ont pas ouvert les tiroirs, parce que sinon, ils ont... voilà, on est sûr, que c'était fermé. Et... Et ensuite, ils ont filé par là, où là ils n'ont pas fouillé les armoires non plus. D'accord. Par contre, ils ont fait dans les tiroirs, il n'y a rien qui a été pris sauf ces deux tiroirs là où il y avait des montres. Mais il n'y a qu'ici qu'il y a eu des montres volées. Donc Max, qu'est-ce que vous allez faire? Donc bah, là déjà je vais attendre que Nicolas fasse ses photos pour avant de toucher à quoi que ce soit. Et une fois qu'il aura figé le tout, on pourrait procéder aux recherches de traces ou au prélèvement ADN sur les différents supports qui ont été éventuellement touchés par les auteurs. D'accord. Donc là, il y a des belles traces de gants sur la porte vitrée qui a été fracturée. Donc je pense que je vais pas faire trop de recherches à la poudre, éviter de tout salir inutilement. Hein, et apparemment, les auteurs étaient gantés, donc... Je vais plutôt me focaliser sur la recherche d'ADN. Donc Max, là, vous avez ouvert deux valises. Oui. J'ai ma valise de prélèvement et puis ma mallette de poudre. Il est 2h30. Vous avez pour combien de temps, là? Je pense que ça va prendre à peu près une heure. Donc, retour au quai de l'horloge vers 3h30. Et la nuit n'est pas finie. Ah non, il nous reste 4 heures à faire. On peut encore se prendre tout et n'importe quoi. On peut se prendre encore un AGV dans la nuit. Donc un homicide volontaire. Un homicide volontaire, tout à fait. Max, il est 5h du matin, la circulation reprend là de l'autre côté de la Seine, on pourrait dire, place du Châtelet. Les lumières à nouveau sont allumées. Et vous êtes rentré à quelle heure du vol avec les fractions? On est rentré vers 4h30. Mais dans 3 heures, vous allez passer la relève à Thierry. Et qu'est-ce qu'il va lire dans le cahier de la nuit et donc pour lui du matin qui nous a lu depuis qu'on a commencé cette série. Eh ben, il va lire quand on s'est pris un vol fausse qualité à 19h30 et puis à 2h30 ce vol effraction là. En fait, c'est ça le quotidien de l'identité judiciaire plus que les scènes d'attentats. C'est ça, ouais. C'est beaucoup de entre guillemets petites affaires. Petites, bon, il n'y a pas de petites affaires, hein, mais c'est sûr que par rapport à un attentat, toutes les affaires sont petites. Et est-ce que ça vous arrive, quand vous êtes dans votre voiture, de traverser des rues en regardant des numéros en disant « Ah, là, on a fait une scène, là... » Sans arrêt. Au bout de 20 ans, on a fait des affaires dans toutes les rues. Et donc, voilà, on est avec le collègue, « Ah bah tiens, là, je suis venu faire un homicide il y a 2 ans. » Ah oui, bien sûr. Quasiment dans chaque rue, on s'est déplacé. À force de se déplacer sur des scènes de crime, voire des scènes de guerre, je pense qu'au bout d'un certain temps, on se forge une carapace qui fait que plus rien nous atteint. C'est sûr? Oui. Et ceux qui n'y arrivent pas, en général, quittent, changent de section. Ils supportent pas. Après, au bout d'un certain temps, pour moi, c'est pas encore le cas, mais ça peut arriver à tout le monde. Des gens arrivent à leur quota de morts et décident de changer d'activité. Quand on arrive sur une scène où on voit un enfant de 2 ans étranglé par sa maman parce qu'il a pas mangé sa soupe, c'est sûr que c'est pas très joyeux, mais d'ailleurs sur ce genre d'affaires, il y a souvent des collègues en train de pleurer même, parce que bon, c'est quand même touchant. Mais si on commence à pleurer sur toutes les affaires, parfois il y a une affaire qui va nous rester dans la tête pendant une semaine ou deux, mais après ça s'efface, remplacé par d'autres. Ça s'efface ou ça s'empile? Je pense qu'il doit y en avoir tellement d'empilés là que ça doit effacer les. Ça va s'effacer au fur et à mesure. Hein. À 8h du matin, là, quand on a fini le service, homicide ou pas homicide, il y a tout qui part de la tête. On pense plus qu'à une chose, c'est récupérer, c'est vivre. Et là, c'est pas la vie? Ce travail-là, on côtoie plus souvent la mort que la vie. Hein. Identité judiciaire, nuit calme pour Max et les hiboux. Merci à Max, Christophe, Nicolas et Romain. Merci également à Xavier Espinas, le chef de l'identité judiciaire, pour nous avoir accueillis au sein de son service, ainsi qu'à toutes les sections pour leur disponibilité. Merci enfin à Laurent Ricard, le responsable du service de presse de la police judiciaire. Réalisation François Test, un documentaire de Michel Pomared. Policiers, commissaires, brigadiers, enquêteurs ou inspecteurs, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, liens ou pour nous réécouter en cellule, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez nous podcaster sur toutes les plateformes, nous suivre sur la page Facebook de France Culture, sur Twitter, LSD Série Doc, et même sur Instagram, LSD La Série Documentaire. Et la semaine prochaine, nous irons explorer les conséquences du réchauffement climatique. Mais demain, à la même heure, c'est Grand Reportage. Et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, une histoire particulière et une vie, une œuvre.